podcast sur l'art d'échouer ou plutôt le fait de rebondir après un échec. J'ai décidé de convier Julien Milenvoye. Bonjour Julien. Bonsoir. J'ai également proposé à du vin et du saucisson corse de se joindre à nous parce que je me suis dit que pour une première c'était nécessaire. Alors n'ayez crainte si vous entendez des bruits de verre s'entrechoquer, c'est normal. Julien, parlons de toi. Tu as été rédacteur en chef de lui.fr, tu es l'auteur de deux ouvrages et désormais tu lances ton propre magazine qui va s'appeler Post-App pour Post-Apocalyptique. Si tu es là, c'est parce que toi aussi, alors même si tu as fait plein de choses de ouf dans ta vie, tu as connu l'échec. Tu vas nous raconter comment tu as échoué à sauver le monde. Est-ce que d'abord, tu peux nous rappeler le contexte de ton histoire ? Donc on est en 2005, je ne sais plus exactement quel âge j'ai, entre 25 et 27 ans, je dirais, je suis en 78 si vous voulez faire le compte vous-même. Au moins c'est honnête. À cette époque-là, je veux en tout cas changer le monde, pas moi tout seul évidemment, mais participer à n'importe quel mouvement qui pourrait envoyer le monde vers une direction plus écologique surtout, plus juste, plus équitable. Et alors, à ce moment-là, tu connais quelque chose, tu vas à un événement qui te conforte dans cette idée, si je ne me trompe pas. Je suis allé à un événement 2 ans avant, en 2003. C'était le contre-sommet du G8 à Évian. Donc le G8, c'est le sommet international qui réunit les huit leaders des plus grandes puissances industrielles et économiques de la planète. Ça dure à chaque fois 3 jours. Ils se retrouvent ensemble et puis après il y a une déclaration commune. Et je vais là-bas en fait en reportage en 2003 pour le magazine Blast. Au bout de 2 heures à peu près, je pose mon carnet, mon stylo et je décide de devenir plutôt un membre actif de cette aventure collective. Tu veux sauver le monde, en vrai ? En vrai, je veux vraiment sauver le monde. Ouais. Sauver ou changer, ça c'est un débat qui n'a toujours pas été tranché. On est en 2005, c'est avant la grande crise économique qui est arrivée, c'est avant... C'est avant Daesh et tous ces trucs. Donc le monde est quand même déjà pas joyeux hein, en 2005. Mais on se dit qu'il faut changer le monde avant qu'il ne soit trop tard. Quoi. Et on va tout faire pour. On va tout faire pour avec un mode d'action principal, commun, très important, qui est la non-violence. D'accord. L'action directe non-violente, donc c'est par exemple bloquer des routes ou ce que fait Greenpeace quand il décide d'investir une centrale nucléaire pour montrer qu'on peut l'investir. Donc c'est un mouvement pacifique avant tout. Et alors toi, tu prends une grande décision. C'est que tu vas partir et participer à un mouvement. Donc voilà, j'avais vécu cet événement en 2003. On avait réussi pas à changer le monde, mais à retarder le début du sommet d'une bonne demi-heure. Et on se disait que c'était déjà pas mal pour arriver à se faire entendre. En 2005, on apprend que cette fois, le sommet du G8 va se tenir à Gleneagles, en Écosse, à une encablure, comme on dit, de Édimbourg. D'une part, moi, à cette époque-là, j'ai quitté mon travail, je suis redevenu freelance, donc j'ai toute liberté pour faire ce que je veux. L'Écosse, c'est pas très loin. C'est aussi accessoirement un pays que j'adore. Et j'ai un copain, Olivier, qui se reconnaîtra s'il entend ça, qui me dit « Viens, on y va ». C'est quand même un contre-sommet du G8. On se lève à 5h du matin pour aller bloquer des routes. On fait des AG pour savoir comment on peut changer le monde. On a des conférences, des projections de films, éventuellement des concerts, enfin des happenings en tout cas et tout ça. C'est un truc quand même, on est là à bosser quoi. On est dans une ambiance de camping parce que tout le monde a sa tente ou son minibus, on dort dans des sacs de couchage, etc. Les gens sont sympas, ça joue de la guitare, ça fume des joints un peu, ça fume des clopes bio, etc. Mais on est là quand même pour bosser, quoi. On ne change pas le monde en étant juste assis autour d'un feu et en chantant les Beatles, qui est un autre truc que j'adore. Mais... Donc la préparation, elle se passe vraiment d'une façon déterminée et joviale aussi parce que toi, tu es avec ton pote. Ça y est, tu y vas enfin, tu vas faire quelque chose de concret pour faire changer les choses. Puis tu arrives là-bas. Voilà, j'arrive là-bas, effectivement, à bloc, parce que je sais que, même si moi, j'étais pas forcément, je m'étais pas spécialement préparé, outre mesure, à cet événement, mais je savais qu'il y avait des gens qui arrivaient de la planète entière, évidemment, surtout de l'Europe entière, mais vraiment de la planète entière, qui, eux, sont des militants en fait, à plein temps, qui sont des gens organisés, qui sont des gens dont j'avais pu constater auparavant l'organisation. On sait que c'est très difficile, donc le sommet du G8 lui-même, là où sont les leaders, c'est à donc Glen Eagles, en fait, c'est un hôtel de luxe avec son propre terrain de golf pour donner un petit peu l'ampleur du truc. Donc, eux, ils vont être là. C'est un endroit qu'il est impossible d'approcher à moins de 5-10 km, qui est gardé par des policiers armés, par des gens, y compris, je pense, armés d'armes à feu, réellement. Et alors, toi, tu arrives là-bas avec ton sac à dos, ton pote. Où est-ce que tu diriges, où est-ce que tu dors dans un premier temps ? Il y avait eu un espèce d'accord qui s'était fait, en tout cas, à Evian, c'était comme ça. Il y avait un immense terrain qui était prêté où les gens pouvaient s'installer. Et donc, on savait qu'on allait sur un terrain comme ça, qui était en gros prêté par la commune. Donc finalement, le début de ce séjour est assez enthousiasmant parce que tu te retrouves entouré de gens qui ont les mêmes pensées que toi, tu expérimentes des choses. Il y a une sorte d'enthousiasme qui ressort de ça, non ? Tout va bien se passer, alors sauf que... J'ai dit c'est le premier piège. J'adore c'est... le sauf que. J'ai c'est dit le principe de ce podcast. On arrive donc dans la zone de Glen Eagles avec mon pote. Et première chose qu'on fait, avant d'aller au campement, on va évidemment prendre une pinte de bière au pub local ou une télévision diffuser les informations. Et là, on découvre l'annonce de Tony Blair, le Premier ministre à l'époque, de lancer une grande campagne qui s'appelait « Make Poverty History », hein, faire de la pauvreté de l'histoire, pour éradiquer définitivement la pauvreté, en tout cas sur le continent africain. Et nous, en tout cas avec moi, avec mon pote Nao Olivier, nous tout de suite, on le prend comme une, on dirait un fumigène en quelque sorte, une espèce de façon de dire, on fait de toute façon, les gouvernements, on fait ce qu'il faut pour éradiquer la pauvreté. Donc s'il y a des gens qui vont vous dire qu'on n'est pas bon et qu'on n'est pas gentil, c'est vraiment des abrutis. Et le pire quelque part, c'est qu'une manifestation est organisée, officiellement par le gouvernement pour soutenir le mouvement Make Poverty History, qui va aussi faire, dont on sent qu'elle risque fort de complètement étouffer la manifestation. Tony Blair va résoudre le problème de la pauvreté et des inégalités dans le monde. Et on se dit déjà, pour nous, ça va être très très dur. Tony Blair, bim, lance une grande opération. Je vais mettre fin à la faim dans le monde. C'est quand même assez étonnant comme timing. C'est ça, c'est d'autant plus étonnant que je disais, on a pu réussir à d'autres sommets ou à d'autres sommets où moi j'étais pas, ils ont pu réussir à retarder le début, à le parasiter. Évidemment, tout ça, on sait que ça a aucun impact. Par contre, ça permet d'exister médiatiquement et ça permet de montrer qu'il y a d'autres façons de penser, qu'il y a des pistes de politique alternatives. Et le but, c'est d'avoir une présence médiatique. Et donc, et là, le but de l'autre côté, clairement, ce serait éventuellement de parasiter cette présence médiatique. Et j'avoue que c'était très intelligent. Même si on se dit, tiens, peut-être qu'il n'a pas pris cette décision par rapport au contre-sommet du G8, en tout cas, il a au minimum pris cette décision pour son image, puisque scoop, y a toujours des problèmes de famine et d'inégalité dans le monde et en Afrique. Vous pouvez vérifier ce qu'est devenu cette campagne, à peu près rien. Et alors, tu ressens quoi à ce moment-là, quand tu es dans ce pub avec ton pote, que tu regardes ça à la télé ? Est-ce que tu comprends directement que là, t'es foutu ? On ne se dit pas ça tombe mal parce qu'on pense que c'est volontaire, à tort ou à raison, c'est ce qu'on ça pense tombe sur mal le moment. Pour toi, je veux dire. Mais on se dit, je crois vraiment me souvenir, on se dit, ça va être dur. On se dit, c'est malin, mais on ne pouvait pas reconnaître qu'il n'y avait pas une certaine vista et un certain talent politique. Et donc, on salue un petit peu le joli coup du jeune homme, je pense qu'on peut dire encore à l'époque. On se dit, ça va être dur, et puis on dit, on trinque, on boit la bière, on remet nos sacs et puis on va au village pour continuer la mission. La suite est évidemment une plongée petit à petit vers l'enfer. Puisque c'est là qu'on se rend compte, donc deuxième coup de génie à mon avis des autorités au moins locales, en fait c'est cette rivière qui ceinturait le camp sur les trois quarts du cercle, quoi. C'était organisé un petit peu en cercle. Et en fait, à Glen Eagles, il y a des rivières partout. Vous pouvez vérifier. J'ai pas pu retrouver ça l'exact. Mais donc, en fait, c'est vraiment un courant très fort avec des arbres qui ont poussé d'une rive à l'autre. Puis c'est connu aussi en Écosse. Il fait terriblement chaud et l'eau est à 35 degrés. Il n'y a qu'une entrée, il n'y a qu'une possibilité d'entrer ou de sortir du campement. Donc, c'est un endroit extrêmement facile à surveiller, à garder. Et ça, on le comprend assez vite. On visite Neuquen et puis les gens m'en parlent un petit peu et ils commencent à y avoir le sentiment de s'être bien fait avoir en voyant qu'il y a cette rivière infranchissable. Donc on comprend qu'on va être bloqué le lendemain parce que c'est quand même pas un hasard. On sait que les actions auxquelles on veut participer sont illégales. Elles ne sont pas prévues. Ce n'est pas comme une manifestation déclarée en préfecture comme ça se fait en France. On sait qu'il y a un intérêt, même enfin, juste la loi oblige les policiers à nous empêcher de participer à ça. Et il y a une seule entrée, une seule façon d'entrer ou de sortir du campement. Décision est prise au consensus lors d'une réunion la veille, du coup d'avancer l'heure du départ qui devait être je pense à 7h du mat, à 5h du mat, ou peut-être de 5h du mat à 3h du mat, je ne sais plus. Mais vraiment, je me souviens de m'être levé très tôt ce matin-là. Ouais. On le fait, donc voilà, il y a des gens qui passent de tente en tapant sur les parois pour dire « let's go ». Et on se lève, il y a une vraie énergie en même temps. Il y a une énergie parce qu'on se dit que ce qu'on fait est utile, qu'on a envie de le faire. Il y a quand même de la peur, il y a de l'excitation, il y a de l'électricité. On voit qu'il y a déjà des gens qui sont refoulés, qui sont laissés passer en fait. Alors, une espèce de bin, c'est pas possible, où ils laissent passer quelques personnes de temps en temps. Donc on continue à attendre, à y croire, à se dire bon, on va se retrouver à tel endroit, machin. Mais les personnes qui passent en fait 500 mètres plus loin sont quand même arrêtées. Il y a des fouilles, évidemment. Alors, personne n'allait avec des armes à ce genre de choses. Mais ils allaient, par exemple, avec des lunettes de plongée pour éviter de pleurer et d'être touchés par les gaz lacrymogènes. Donc, ce genre de choses sont confisquées. Donc, ça rend tout beaucoup plus difficile. Et au bout, je sais pas, d'une demi-heure, une heure, comme ça, à attendre, passe-moi l'expression, mais comme des cons, que la police veuille bien accepter de faire passer les militants révolutionnaires. Enfin, il y a un côté complètement absurde qui commence un petit peu à nous frapper, mon pote et moi, et pas seulement nous, je pense. Certains restent déterminés, d'autres sont complètement découragés, d'autres se disent, ben c'est pas grave, on va faire la fête entre nous et montrer que la jeunesse est plus forte que je sais pas quoi. Moi, avec mon pote, on se dit, bon, on va retourner dormir, puis on avise vers 9h du matin, quoi. Mais là déjà, voilà, la manif est complètement paralysée, l'action est complètement paralysée, les gens sont éparpillés partout, tout est tombé par terre. Il y a quelques militants qui ont réussi à atteindre les barrières, les barbelés qui ceinturaient le truc, mais comme ça faisait pas un effet de masse, ça a eu aucun impact à ma connaissance. À partir de 9-10h du matin, les policiers arrêtent de filtrer les gens parce qu'ils ont, voilà, ils ont obtenu leur objectif, donc mon pote et moi on sort, on se balade, comme on était plus que tous les deux, on n'avait pas Google Maps à l'époque, on se perd dans la zone industrielle, commerciale plutôt, qui ceinture le truc. Il y avait un hélicoptère qui tournait en permanence autour de tout ça, qui de temps en temps, alors nous on était vraiment deux mecs perdus à 11h du matin, fatigués, mais de temps en temps voilà, l'hélicoptère descendait bien devant nous pour nous montrer qu'on est surveillé, etc. Bon, on passe une matinée naze, on passe un après-midi... naze avec les gens, à bon, essayer de surmonter le moral, mais en se disant... Vous devez vous sentir en plus terriblement frustré de ne pas pouvoir être actif de tout ce mouvement-là. Quoi. Sentiment d'échec collectif, je crois, enfin, je ne veux pas parler pour tout le monde, et je ne parle évidemment pas pour le mouvement, ça c'est un truc qui a toujours été clair dans ce moment, parce qu'il n'y avait pas de porte-parole. Voilà, après cette belle journée fort sympathique, on va se coucher en se demandant de quoi le lendemain, demain sera fait. Qui suis-je ? Que vais-je devenir ? Qui suis-je ? Que vais-je devenir ? Mais... on perd pas la foi, on sait pourquoi on est là quand même. Alors on se dit que ça sera peut-être pas cette fois, que c'est un peu raté, qu'on apprendra de nos leçons, de nos échecs. Et là, le lendemain, se passe quelque chose de réellement, réellement tragique. C'est une série d'attentats organisés par Al-Qaïda à l'époque, dans des bus londoniens. J'ai vérifié tout à l'heure aussi avant de venir, 50 morts et plus de 700 blessés. Avec, je crois, 5 bus qui explosent les uns après les autres dans la matinée à partir de 8h du matin. La ville de Londres, évidemment, sans dessus-dessous. Nous, on se réveille, du coup, dans une ambiance extrêmement bizarre. Pareil, toujours, il n'y avait pas le téléphone. On se réveille, on peut regarder les infos grâce à la 3G. Ça n'existait pas. Donc vraiment, on se réveille, on voit les mine déterrée des gens qui se parlent, qui se demandent s'ils ont des nouvelles de machin ou de machin. Il y a beaucoup, beaucoup d'Anglais, beaucoup de Londoniens, beaucoup de gens qui ont de la famille, des amis à Londres, qui sont réellement profondément inquiets pour leurs proches, et puis qui sont choqués. On est, je veux dire, quelque chose de terrible, mais à ce moment-là, on n'est pas du tout habitué à ce genre d'attentat. Je pense qu'on ne sera malheureusement jamais, d'ailleurs. Là, en tout cas, à l'époque, c'est sûr que c'était un vrai choc. C'était... Et puis, c'était des moyens d'action de la part des terroristes inconnus, en fait. C'était complètement nouveau. Donc là, ben, c'est la terreur, quoi, vraiment. Enfin, qu'on ressent tous. Aussi, on est tous blessés, choqués, inquiets. Là, c'est terrible aussi, au sens où, ben, pour le coup, les terroristes qui sont au moins... Alors, on peut penser ce qu'on veut de Tony Blair et du G8, mais s'il y a des salauds dans l'histoire, c'est quand même bien les terroristes qui tuent des victimes innocentes pour une idéologie complètement absurde, pour dire le moins. Mais oui, ils ont bien réussi à passer à la télévision et à faire entendre leur message. Et évidemment, tout le monde ne parle plus que de ça, que ce soit à l'intérieur du camp, que ce soit la télévision, que ce soit les gens dans les familles, enfin voilà. Bah donc le message court aussi, au bout d'un moment, bah, qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que militants anti-capitalistes pour une bonne part, en tout cas anarchistes, écologistes, non-violents. Réunion sous la tente, ceux qui veulent... participer, parce que c'est pas les centaines de personnes qui étaient au ça truc qui vont sous cette tente. Une réunion Ça se passe, donc nous sommes tous en cercle pour qu'il n'y ait pas de leader officiel. Chacun s'exprime tour à tour, personne n'est obligé de s'exprimer. On lève la main avant, on agite les mains pour montrer son approbation, pour éviter l'effet d'applaudissement qui peut aider les gens un petit peu égomaniaques qui sont partout, qui sont aussi bien dans ces mouvements-là qu'ailleurs. À se sentir, à prendre un peu le pouvoir, ou avoir envie de prendre le pouvoir. Et puis, on procède à des votes, et tant que tout le monde n'est pas d'accord, et ben on continue la discussion. On se réunit à ce moment-là pour savoir ce que le mouvement va exprimer, et en fait, en gros, pour écrire un communiqué de presse, pour écrire trois paragraphes donnant une position unie sur ces attentats et réagir à ces attentats. Et pas laisser la parole seulement ni aux terroristes, ni aux analystes qui passent sur les plateaux télé, mais puis au moins, enfin, je sais pas, c'est quand même la moindre des choses, quand il y a un attentat avec des dizaines de morts, d'avoir un communiqué, d'exprimer de la solidarité avec les victimes. Et puis encore une fois, à ce moment-là, il n'y a pas les réseaux sociaux comme on les connaît aujourd'hui, où tout le monde peut afficher son soutien et donner sa voix. À l'époque, c'est vraiment un message fort, quoi. Exactement, et puis c'est important qu'il y ait, parce que comme je l'ai dit, il y a des gens qui ont des priorités différentes, mais c'est quand même de montrer d'une certaine façon qu'on est unis. Et puis un autre élément qui est important, c'est que des critiques qui étaient faites par des gens, on va dire, bien installés contre ces mouvements-là, c'était justement d'en faire des mouvements terroristes ou potentiellement terroristes. Et c'est un grand risque qui pesait sur le mouvement d'être assimilé à des mouvements terroristes, de risquer pour un engagement tel qu'on l'avait fait des années de prison, comme ça a pu arriver dans l'affaire de Tarnac, pour ceux qui s'en souviennent ici, ouais, en bien France. Bien sûr, il y a plein de militants écologistes qui sont fichés S. Hein, exactement, et c'est qui ont été assignés à résidence là pendant les manifestations. Moi, comme mon métier à l'époque, c'est d'écrire. Ma plume, j'étais auteur-rédacteur. C'est vraiment un endroit, c'est vraiment une réunion à laquelle je participais. Donc, j'y vais sans me poser de questions. On était au total, entre 40 et 60 sous cette tente à avoir envie de participer à ce communiqué de presse. Donc, vous êtes entre 40 et 60, vous êtes tous en cercle, vous bougez les mains pour dire j'approuve. Et qu'est-ce qui se passe ? Quelqu'un prend la parole en disant, voilà, on a écrit une ébauche de communiqué de presse, on voudrait vous la soumettre pour qu'on ait quelque chose à débattre et qu'on ne parte pas de rien. Et donc, il dit, voilà, c'était trois paragraphes très simples, à peu près ce que j'ai dit, solidarité avec les victimes, mouvement non violent, condamnation ferme des moyens terroristes. Moi, ça me paraissait très bien, j'avais rien à dire. Et je vois sur la plupart des visages qu'on est content d'être arrivé aussi vite à quelque chose, peut-être des discussions sur un point de détail. Mais surtout, il y a un mec qui prend la parole et qui dit, voilà, moi, j'ai quelque chose à dire. Je suis irlandais. Et en Irlande, dans la guerre contre l'Angleterre, enfin je ne sais pas si on peut parler vraiment de guerre, mais en tout cas en Irlande, on ne serait jamais arrivé à rien si on n'avait pas utilisé la violence. Et donc moi, je ne peux pas dire qu'on est pour la non-violence tout le temps et que la violence n'arrive jamais à rien. Ah, comme dirait Denis Brugnard. C'est à peu près ce que j'ai pensé. Et là, se lance un débat pour savoir si la violence politique peut être légitime, si elle peut être efficace, si elle concerne l'ensemble du mouvement, si c'est un moyen d'action qui éventuellement devrait faire partie du mouvement. Donc même sans parler de violence aux personnes, hein, et il parlait pas de ça en l'occurrence, il parlait pas d'aller bombarder des innocents. Mais foutre une bombe dans un lieu désert, ça, c'est déjà un début de violence, puis c'est déjà un risque de toucher des innocents. Et puis aller fracasser des vitrines, ouais, et puis, par principe, c'est de la violence. C'est aussi un mouvement non violent, donc et ça met. Puis voilà, c'était un des principes, le pacifisme, l'action non violente. Donc, voilà, vous mettez 40, entre 40 et 60 personnes, ou simplement deux personnes qui doivent trouver la réponse à la question « La violence politique peut-elle être légitime et efficace ?» Et bien, vous n'arrivez à rien, parce que ça fait 4000 ans, je pense, ou plus, qu'on se pose la question et qu'on n'a aucune réponse, en fait. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quel est le dénouement de ce grand rassemblement? Eh bien, le dénouement de ce grand rassemblement, c'est de constater qu'on n'arrive pas au consensus, et que donc il n'y aura pas de communiqué de presse. Et que le mouvement intermondialiste n'est pas foutu de produire un communiqué pour dire qu'il est solidaire des victimes et contre le terrorisme, quoi. Et on se dit, ben, si on n'est pas capable de faire ça, pour le coup, quand il faudra décider si oui ou non on vote la taxe Tobin ou si on supprime l'énergie nucléaire ou qu'on la garde parce que ça permet de lutter contre le réchauffement climatique, ça va être compliqué, quoi. Et donc là, c'est la première fois que je vois vraiment un échec et sur un truc pourtant qui paraît simplissime, quoi. Et toi, t'es dans quel état d'esprit à ce moment-là? Le dégoût, je crois. Un peu de colère. Il y a un événement historique majeur, décisif, qui se produit et nous, on n'est pas capable d'avoir une seule réaction, d'avoir la moindre réaction là-dessus. Ça me met en colère et puis je suis vraiment dégoûté, quoi. Je me dis, bon, ben voilà, ça sert à rien, tout ça ne sert à rien, tout ce qu'on a fait d'être venu ici, d'avoir vécu à la cool, expérimenté, inventé, enfin pas inventé le consensus, mais tout ça ne sert à rien et voilà, le dégoût et la colère, ouais, vraiment. Alors ça, c'est ton état d'esprit évidemment sur le moment, parce que j'imagine que les réactions à chaud sont assez violentes, mais mon podcast, ça s'appelle La Leçon, donc je suppose que tu en as tiré quelques enseignements. J'en ai tiré au moins deux leçons. Ouf, ça va, il en a tiré des enseignements. Ça va, je vais pouvoir continuer mon podcast jusqu'au bout. J'en ai tiré au moins deux leçons. Alors, juste avant de parler vraiment des leçons, pour information, en sortant de la tente, on s'est regardé avec mon pote, qui était à peu près dans le même état, et donc on a pris une très bonne décision, je crois, qui a été de se casser de cet endroit, de prendre le premier train pour aller à 2 ou 3 heures encore plus au nord de l'Écosse, s'acheter pour le coup une bouteille d'excellent whisky. Ça, et vous l'avez fait en parfait consensus, comme quoi. Exactement. On s'est retrouvé dans un village complètement paumé, on a mangé un corniche pasty qui est de la panse de brebis farcie, la spécialité écossaise, qui faisait partie d'un des défis qu'on s'était fixé aussi au passage. On a fait ça et puis on est allé boire la bouteille de whisky sur la plage au bord de la mer en Écosse, encore un endroit totalement absurde. Et puis voilà, on est rentré ensuite en France en ayant au moins passé une bonne après-midi, une bonne soirée totalement surréaliste avec un très bon pote. Maintenant que tu as digéré cette histoire-là, que tout fonctionne très bien pour toi par ailleurs et que tu peux voir cet échec-là avec une vision un peu apaisée, qu'est-ce que tu en as tiré? Non, moi j'en ai tiré deux leçons. Assez rapidement, enfin assez rapidement, je dirais 2 ans après, au moment où éclate la grande crise économique, le crash des subprimes, dont on n'est toujours pas vraiment sorti, en tout cas pas en Europe, et sûrement pas en Grèce par exemple. Donc à ce moment-là arrive cette crise économique, et c'est là que je tire ma première leçon de ça, c'est que j'ai compris ce qui m'arrivait, j'ai compris ce qui nous arrivait en tant que société. Tous les diagnostics qu'on avait, que ce mouvement-là avait, et que des économistes qu'on lisait, qu'on se disait qu'il faut lire absolument ce mec-là, etc., avaient, expliquaient que ça allait se produire. Et ça a été, n'empêche, un grand, sur le moment, un atout, parce que vraiment, quand le monde se casse la gueule, à un moment, on se rappelle quand même, il y a eu une petite semaine où on n'était pas sûr que 3 jours plus tard, on pourrait encore retirer des billets de banque à nos distributeurs automatiques. Hein. C'était quand même grave à ce point-là, le crash des subprimes. Et il y avait plein de gens qui découvraient, en fait, l'économie casino, ce qu'on appelait l'économie casino, les paradis fiscaux, tout ce genre de choses, alors qu'on était parfaitement au courant. Et le fait de faire ça a fait que voilà, j'étais pas du tout surpris et ça m'a donné, je pense, beaucoup d'atouts et une vraie avance de ne pas perdre la tête à ce moment-là et d'être préparé depuis des années à cet événement. J'avais vraiment pas pensé que ça arriverait si vite, en fait. Je pensais que ça craquerait dans quelques décennies. Évidemment, c'est arrivé en 2007. Et Mais quand c'est arrivé, je dis, ah bon, voilà. Enfin, je me suis dit, ah bon, c'est maintenant. Et le fait de pas être terrorisé par ça, parce que dans nos têtes, en fait, voilà, on s'était prévenu, on s'était dit, bon, quand ça arrive, quand ça va arriver, comment on fera, qu'est-ce qu'on fera, qu'est-ce qu'on fera si vraiment ça pète complètement et qu'effectivement les banques s'arrêtent. Et ben justement, on retrouve un petit peu le côté qu'on décrivait tout à l'heure. Et ben on remet le sac à dos et on sait que voilà, ça commence et que ça devait arriver. Et... C'est finalement très rassurant, en fait, de s'être préparé des années à l'avance, d'avoir étudié la question comme ça. C'est justement la leçon que j'en... C'est gérer l'anxiété, son anxiété personnelle peut-être aussi, non ? Exactement, oui, c'est parce que c'est quand même anxieux. Ça. J'ai quand même des moments où je faisais pas, où, enfin voilà, où j'étais pas sûr de où irait le monde pendant cette grande crise et les années qui ont suivi, et encore aujourd'hui. Comme tu t'es déjà préparé à l'avance à tout ça et voire à bien pire, j'imagine, et ben maintenant tu peux prendre les choses avec sérénité, non ? Oui, globalement, ouais. Et sans avoir justement à tout réinventer et à tout, à me dire, bon, mais comment. À avoir besoin de réinventer la roue, ou en tout cas la pensée, qu'elle soit sociologique, philosophique, économique, puisque tout est là, et tout est là depuis 15 ans au moins. Ça, c'est vraiment la leçon, c'est voilà, renseignez-vous, soyez actifs, cultivez-vous, ouvrez-vous l'esprit, parce que le temps passé à s'intéresser au monde qui nous entoure et essayer de comprendre comment il fonctionne n'est pas du temps perdu. Ça va impacter clairement votre existence la plus quotidienne et la plus banale. Et donc voilà, j'ai aucun regret d'avoir participé à ce mouvement-là, même ça, avec l'échec. Ça, c'est la question que j'allais te poser, c'est que même si t'as complètement foiré sur le coup, pardon, mais en fait, il n'y a pas de regret à avoir, parce que tu vois ce que tu me dis là, c'est de vrais enseignements, non ? Il n'y a absolument aucun regret à avoir. J'ai appris énormément de choses, j'ai rencontré des gens, j'ai affiné ma pensée. Tu t'es rendu compte aussi que tout n'était pas viable, j'imagine. Je me suis rendu compte que tout n'était pas viable, même si je continue à croire qu'il faut changer le monde et que c'est possible et que, que j'encourage tout le monde à le faire. D'autant plus que c'est vraiment la deuxième leçon. C'est que quand tout ça est arrivé ou quand n'importe quelle merde arrive et qui est issue de cette économie folle et de ces systèmes géopolitiques fous. C'est pas rien de pouvoir de se regarder dans le miroir. Non, c'est pas quelque chose qu'on fait réellement, hein, mais de pouvoir se dire, moi j'ai fait tout ce que j'ai pu. Alors c'était peut-être pas non plus grand chose, j'aurais pu me lever chaque jour, chaque matin en essayant de changer le truc, mais c'était ce que je pouvais physiquement, intellectuellement, moralement à l'époque. Et puis j'ai participé à ces trucs, j'ai écrit dessus, je les ai fait connaître, j'ai fait ce qui était en mon pouvoir, quoi, en ma petite capacité de citoyen lambda. Et ça, c'est super important pour l'équilibre, quoi, global, de se dire, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai pas à avoir honte, j'ai essayé d'empêcher ça, oui, j'ai pas réussi, mais c'est mieux que de se retourner en disant, merde, tout va mal, et moi, j'ai été complètement innocent et apathique pendant des décennies. Non, c'est cool de pouvoir se dire, on a essayé de vous prévenir. Et c'est pour ça, encore aujourd'hui, moi, s'il y a quelqu'un de n'importe quel âge, y compris de n'importe quel âge, plus jeune que moi ou plus vieux ou de mon âge, qui me demande si ça a un sens de s'engager politiquement, c'est oui, vraiment, allez-y. Même si c'est pour des causes, d'ailleurs, que moi, je ne soutiens pas, par exemple. Mais plutôt que d'être juste la politique, l'économie, ça a une influence sur nous, ça a une influence sur notre quotidien, tout le temps. On ne peut pas faire que la subir. Donc engagez-vous, lisez des bouquins, militez pour une cause, battez-vous pour vos idées, dans la non-violence, je le crois toujours, mais battez-vous pour vos idées, et c'est quelque chose que vous ne regretterez jamais. Surtout, ne restez pas juste là à rien faire et à subir le monde, quoi. Si je pouvais conclure, je dirais que quoi qu'on fasse, même si ça n'a pas un impact sur les choses, sur les gens, sur le temps, ça a un impact sur nous. Et au final, ça c'est hyper positif. Comme tu le disais, on peut se regarder dans le miroir et dire aujourd'hui j'ai fait quelque chose et demain je fais quoi ? Ça c'est la leçon pour moi. T'en penses quoi ? Je souscris totalement. Et effectivement, c'est des expériences, des aventures qui nous changent. On n'a qu'une vie, et si on reste la même personne du début à la fin, dans ces petites idées, sans se confronter au monde réel, ou aux autres, ou aux idées différentes, parce qu'il y a beaucoup d'idées différentes qui étaient rassemblées dans ce moment-là, c'est une vie bien triste qu'on se prépare. Être curieux du monde, s'engager, s'impliquer, essayer à notre petite échelle de faire ce qu'on peut pour un peu plus de justice et d'équité dans ce monde, ça nous change pour le C'est aider les autres et puis c'est s'épanouir aussi soi-même. Bon, on trinque avec du vin corse à cette première émission. Ça sert à rien en effet de s'épanouir tout seul, je le confirme. Et donc, allez-y. Et... Est-ce qu'on entend ou pas? Santé. Merci Julien, c'était vraiment intéressant. Merci à toi. Et puis, bah, vive la leçon, j'espère qu'il y en aura d'autres. J'espère aussi.